fuck le dress code. J'suis toujours tout en noir. Benz, Rav, j'fais les deux tout en noir. Headshot, en ce moment tout va mal, mais je swerve, yeah. Swerve, yeah. Ah, 160, j'aime la vitesse, nel. Autour de moi, aucun bitch est nel. Monte dans la Benz, ma belle. J'parle dans ma barbe comme si j'étais Ben Laden ou James Harden. J'ai du Basquiat, Van Gogh, Salvador Dali. Tous ces rappeurs français ne savent même pas bien lire. J'aimerais être aimé, mais mon cœur cassé est inutile comme ralentir après s'être fait flasher. Mieux vaut garder tes conseils, c'est la nuit qu'on s'aime. C'est pas la vie qu'on aime, c'est la vie qu'on mène. Mes larmes sont faites de cristal, mais j'ai peur d'avoir le destin de Giscard. Fuck le dress code, j'suis toujours tout en noir. Benz, Rav, j'veux les deux tout en noir. Headshot, en ce moment tout va mal, mais je swerve, yeah. Swerve, yeah. Sophistiqué, sophistiqué. J'ai des pesos dans la poche, là où j'vais, j'en ai aucune idée. Mais j'suis sophistiqué, sophistiqué. Sophistiqué, sophistiqué, yeah. Sophistiqué, sophistiqué. J'ai des pièces dans la poche, là où je vais, j'en ai aucune idée. Mais je suis sophistiqué, sophistiqué. Oh, oh, sophistiqué, sophistiqué. On fait le tour de la ville à bord d'un hélico. Ça ne sert à rien de m'appeler si t'as un Rico. Bébé, tu sais très bien que je suis celui qu'il faut. Ton abruti de mec peut caler avec une boîte auto. Yeah, dans ma trismant. J'pourrais affronter le feu, la chance n'existe pas. C'est que la volonté de Dieu est qu'en chaleur. Je ne sais pas si je suis triste dans mon bonheur ou heureux dans mon malheur. Les fuck le dress code, j'suis toujours tout en or. Benz Rav, j'veux les deux tout en or. Headshot, en ce moment tout va mal, mais je swerve, yeah, swerve, yeah. Sophistiqué, sophistiqué. J'ai des pesos dans la poche, là où je vais, j'en ai aucune idée. Mais je suis sophistiqué, sophistiqué. Ah, sophistiqué, sophistiqué. Yeah. Sophistiqué, sophistiqué. J'ai des pesos dans la poche, là où je vais, j'en ai aucune idée. Mais je suis sophistiqué, sophistiqué. Ah, sophistiqué, sophistiqué. Yeah. Consume comme un joint de caramello. Je rêve d'une bague en diamant comme Allen et Carmelo. Négro, je suis pas un briquet, je suis le feu. Négro, je suis pas un joueur, je suis le jeu. Ma vie se consume comme un joint de caramello. Je rêve d'une bague en diamant comme Allen et Carmelo. Négro, j'suis pas un briquet, j'suis le feu. Négro, j'suis pas un joueur, j'suis le jeu. J'pars en avance et j'arrive en retard comme Imani. S'il te plaît, n'essaie surtout pas de comprendre ma vie. Tu ferais mieux de garder tes conseils à mon avis. Je meurs le jour, je vis la nuit. Je meurs le jour, je vis la nuit. J'arrive en retard comme Imani. Toujours en retard comme Imani. J'arrive en retard comme Imani. Toujours en retard comme Imani. J'essaye mais je ne change pas.